Quand on autrement, j'ai bien intervenu. Les hommes. Alors l'homme maintenant a accepté sa propre mission. Et à mesure de plus qu'il fasse ça, ben, il devient vraiment un être humain, pas seulement un animal. Hein? Alors c'est tout à fait sa caractéristique. Il y a vraiment une personne du brasier solaire, qui faut de meilleure forme, on appelle d'abus, hein? En toutes les manifestations. Alors l'homme est un dieu en gestation. Alors, en gestation, potentiel. Oui. Ouais, parce que le libre arbitre. Moi, j'ai beau regarder ma vie, regarder la vie de tout le monde autour, j'ai plus l'impression qu'on est sur un champ de bataille, qu'on a le libre arbitre de circuler dans le champ de bataille, mais on est dans le champ de bataille. Effectivement. Il y en a qui ont un libre arbitre un peu plus libre arbitre que d'autres, qui sont peut-être sur en haut de la montagne en train de commander les trucs. Non, mais c'est un propre arbitre, en de ça. Faut pas que ce soit arbitraire. C'est le choix de sa part arbitraire. Il est lui-même l'arbitre de son propre destin. C'est ça que fait sa dignité aujourd'hui. Et sa prérogative. Il prend son destin en main. Il est Dieu de sa vie. Moi, là, ça achoppe sur le libre arbitre. Là, moi, j'achoppe. Maintenant, parce que le Dieu, dans le Dieu, Dieu, anthropomorphique, notre propre fabrication. Soit évangile, je crois bien, c'est moi qui l'ai fabriqué. Très bien. Alors, tout le monde peut dire ça, que ce soit. Mais Dieu, c'est la vie, avec tout ce qu'on comprend de manifestation. Alors, l'homme est un détenteur de la vie. Alors, il doit prendre son destin en main et faire son cheminement d'après sa propre discrétion, son propre jugement. Autrement, c'est simplement un automate. Les ésotéristes, et puis je pense aussi les alchimistes, comme beaucoup de métaphysiciens, affirment que la Terre est une planète expérimentale. Mais c'est bon, on dit que c'est le dépotoir du système solaire, dans le monde. Ah, ben, j'ai pas dit ça, mais c'est le dépotoir du système solaire. Bon, est-ce qu'on a choisi de venir s'incarner dans un dépotoir du système solaire? On a été implanté sur cette planète. Alors, où est le libre arbitre déjà au départ, là? Au début, c'est ce qu'on lui a dit. Alors, ce qui vient de Vénus, ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient directement du brasier solaire. C'est pareil comme si on allait au miniser la lune, on le dirait, ben, vous avez toutes ces facilités pour vous survivre sur cette planète-là, mais faites comme dans Bouchambéra. Ouais, un libre arbitre au niveau de la survie, ça la c'est intéressant, de la survie. De survie, vous faudra préciser ça, au niveau de survie. Parce qu'au début, on lui a donné la vie. C'est de l'existence, mais c'est pas de la vie, la survie. Non, mais maintenant, il s'agit il y avait l'existence d'abord, hein, l'être-té. Mais l'être-té, ce n'est pas la manifestation. Alors son destin, son devoir, son projet, c'était de manifester toute son intelligence qui était inculquée par la force qui l'a créée, afin qu'il crée la terre, qu'il la cultive, pour ses propres terres ou pour le fait de ceux qui l'ont implanté. Bon. Si on regarde l'évolution de manière totalement objective, là, sans émotion, objectivement, où est le pouvoir, où est la puissance de l'homme face à son environnement, face à la nature, face aux éléments, où est son libre arbitre dans tout ça, est totalement impuissant. Oui, mais il y a la compréhension. Il peut se sentir impuissant, mais il peut défier la nature par un surcroît d'intelligence. Parce que l'homme a toujours cheminé en faisant face à des obstacles. Et cette intelligence-là se développe au cours de l'évolution, mais est-ce qu'elle a existé à travers toutes les époques précédentes, ou est-ce qu'on s'en va vers un développement naturel? La forme que l'homme a pris, la forme physique, l'homme a développé son intelligence. Maintenant, il faudrait s'entendre sur le mot intelligence. C'est quoi de l'intelligence? Capacité d'adaptation à un environnement. Oui. L'adaptation à un environnement. Exactement. C'est ça qui caractérise l'homme. C'est presque de la ruse, ça. c'est ça qui caractérise. C'est pas rien que Darwin qui nous le répète, mais l'homme est un être d'adaptation pour tout, hein, et principalement, c'est ce qui a fait sa survie. Bon, alors s'adapter, c'est prendre avantage de circonstances apparemment adverses. Et apparemment adverses. En attendant qu'on ait plus d'intelligence, c'est véritablement adverse. Oui. Il veut sortir cette supériorité innée, parce qu'il y a une réminiscence de son antécédent. Alors, il défie tout ce qui est antagonistique. Et l'homme a vaincu les forces de la nature, en a dominé l'Antarctique, parce qu'il a compris qu'il possédait en lui assez d'intelligence pour défier ces éléments qui lui étaient inférieurs. Bon, supposons qu'il soit capable de défier les éléments de la nature ou de les prévoir, tremblement de terre, catastrophe, etc. Supposant, on en est encore pas là. Parlons des forces, quand même, des forces maîtrisées, hein. Oui. Où il y avait des forces tolérées, tout ça. Ben, il y a dû les éviter plutôt que de vouloir les maîtriser immédiatement. Mais certaines forces, il y a aussi les armes à feu. Mais les véritables forces qui sont contre lui, dans cette lutte-là de survie, est-ce qu'elles ne sont pas en lui-même, justement? Oui, si naturellement, il n'a pas assez de jugement pour faire l'équilibre entre l'obstacle et... Je veux dire, les guerres, c'est nous qui les produisons. Oh, définitivement, bon. Oui, définitivement. Bon, alors, mais c'est le résultat de l'initiative de l'homme, les guerres, de son instinct de motif à l'antagonisme quelconque, que son antagoniste d'occupation terrestre. Ben oui, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ça existera toujours, ouais. Hein, c'est d'antagoniser la nature, là. C'est pas une intelligence, ça. Mais l'intelligence cosmique, s'il y a d'intelligence dans l'homme, c'est parce qu'il y a une source d'intelligence. Alors la nature est intelligente, définitivement. Elle est intelligente. Il y a des forces antagonistiques, l'autre, c'est des antagonistiques. Mais il y a l'intelligence dans les deux. Et dans l'homme, quel est ce combat qui est dans l'homme qui fait qu'il avance un petit peu comme une histoire? Il doit constater comme étant salutaire à son cheminement, à son bien-être, à sa survie, ou je suis étonné documentaire à sa survie. Alors, l'intelligence s'est manifestée par observation. Par observation, tout d'abord. Bon, j'en reviens toujours, moi, au libre-arbitre, parce que je pense que c'est un élément important, ça, dans... Oui, c'est ce qui caractérise l'homme. Bien. Il en a pris plein d'avantages, et à mesure qu'il progresse, il décide de se défier de toutes ses forces qui... Apparemment. Il constate aussi son impuissance. Son impuissance. Bon. Oui, son impuissance. Et son incapacité temporaire à toutes les dominer. Il ne sent pas impuissant. Il y a toujours derrière lui cette impuissance qui peut dominer toute la nature. C'est parce que son potentiel n'est pas réalisé en totalité. Exactement. Alors, son cheminement, son évolution consiste à comprendre de plus en plus ses forces de nature, à les absorber, les attaquer, une par une, afin de les dominer. Que ce soit les forces subtiles, ou bien que ce soit les forces grossières. Les forces grossières, ben, alors, il n'a que les éviter, s'il n'est pas en mesure de les combattre. Quant aux forces subtiles, il n'a qu'à multiplier ses observations et en venir à des décisions qui seront utiles et salutaires. Bon, à travers tout son cheminement chaotique, là, à travers l'évolution et l'involution de l'homme, il y a l'histoire ou la mythologie grecque. Oui. J'aime bien faire référence à ça, parce que oui. C'est pas du monde... Non, pas le Prométhée, oui, prenons le Prométhée. Hein. Oui, ouais, Prométhée, bon. Le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée. Oui. Bon. Il a bâti ses propres ailes pour aller ravir le feu du ciel, mais quand il est arrivé devant le soleil, les ailes ont fondu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, les Grecs, avec cette affaire-là? Ouais, c'est pas très sincère. Sans fuir. Tu me tiras. C'est pas sincère. Tu vas légitimement, tu sais. Sincère, a rappelé qu'il soit sincère. Sans fuir. Les latins, quand ils commandaient une statue, vous vous souvenez, étaient en marbre, ils n'avaient pas fait faire un récit, mal courrier. Alors ils mettaient de la cire, de la poudre de marbre, avec de la cire, puis ils faisaient un nez qui avait été un petit, par exemple. Alors ils demandaient, qu'est-ce que c'est? C'est une cire, ça, c'est une cire, un peu sans cire, c'était sincère. Bon. Alors, c'est d'accord. Alors l'homme, atteint cet état de sincérité par des expériences, des bévues qu'il a fait, l'observation, quoi. C'est vrai que la science de l'arbre du bien et du mal, les erreurs, lui ont enseigné autant que ses observations justes. En constatant son impuissance, encore dans la mythologie grecque, il y a l'histoire de Pandore. Oui, du temps, bon, le dieu qui ouvre la boîte qui contenait tout ce qui était bénéfique à l'humanité, à l'origine de l'homme, oui. Et tout s'est envolé hors de la boîte, la paix, l'amour, la justice, sauf l'espérance. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'espérance? Voilà, d'abord, pragmatique. Alors, on dit que, la foi, par le biais de l'espérance, nous donne l'amour. Hein? L'amour, c'est l'harmonie totale de notre être avec le non-être. Hein? Alors, le boîte de Pandore, c'est simplement, sa vie de vider la boîte de toutes ses expériences, de tout son contenu. La vie de toutes ses expériences, afin d'atteindre le summum bonum, c'est l'amour, la charité, foi, espérance, charité. Hein? Bon. Alors, c'est par le biais de l'espérance qu'il va atteindre à cette soit en soi, c'est normal d'atteindre l'harmonie totale avec son être et le non-être. Et donc, c'est à peu près tout ce qui reste à l'humanité depuis son origine comme support de l'espoir. Exactement. Pas beaucoup. Non, mais c'est ce qu'on appelle Vénérable Pontife. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, oui. Bon, la bouche est bouclée, le libre arbitre, oui. On commence à le fermer, là. Oui. pas bien, bien gros. Maintenant, l'arbitrage, comme on dirait dit parfois, consiste à peser les deux côtés d'une situation, n'est-ce pas? Parce que on choisit pas au hasard, c'est pas. Alors, ça veut dire bien. Mesurer les deux côtés d'une situation. Ça, c'est arbitrer la situation. Et j'apprends ce qui est plus salutaire. Alors, le libre arbitre est très précieux. Ça se nous permet de juger correctement une situation. Et en mettant notre expérience en jeu, on pose le geste qui nous fait avancer dans notre cheminement. Bon, alors, il y a un libre arbitre, mais à une échelle quand même réduite. Oui. Mais dans la nature, il y a le libre arbitre aussi, les forces sont en train de gagner. Il y en a toujours un qui gagne, après qu'il y a eu le milieu entre les deux. Hein. Que ce soit l'eau, le feu, que ce soit la terre, la mer, le ciel, la terre, ou, c'est pas l'importance. Il y a toujours une lutte entre les deux. Il y a une lutte des forces. Et alors, pour en revenir à la réincarnation, je sais pas, vous aviez peut-être préparé quelque chose. Oui, j'ai l'impression qu'il n'en aura pas parlé beaucoup. Ça fait que je vais vous laisser aller un petit peu, peut-être, dans le chemin. Mais monsieur, vous voulez simplement attirer l'attention, d'abord, de notre audience, sur tout ce panthéon que l'on a aussi. Tous ces gens dont on a les portraits, là, sont des gens qui, eux, ont atteint cet état de réminiscence de ce qu'ils furent dans les vies passées. Je prends par exemple le comte de Saint-Germain, je peux prendre ce cas, je peux prendre Maurice, tous les autres. Ce sont des gens qui ont réalisé leur histoire, leur évolution, aussi bien que leur évolution, et qui, à la lueur de cette connaissance-là, ont pu nous guider dans notre cheminement vers la vie. Bon, maintenant, il y a un élément pratique à retirer de toute cette connaissance-là, qu'il est possible pour nous, chacun de nous, de se souvenir de notre antécédent, pas nécessairement dans tous les détails, mais réaliser, comprendre, appréhender ce que l'on fuit dès le début de notre apparition sur le plan terrestre, afin de pouvoir et de prévoir ce que l'on pourra être ultimement. Se souvenir. Il y a une façon de se souvenir. Oui, il y a une façon. Oui, il y a une main des exercices. Au Tibet, on donne des exercices, il y a ça. En Égypte, on en parle aussi. Je pense qu'il y a une loge quelque part qui donne des précisions sur ça. Se souvenir de vie passée. C'est pas méditation, mais méditation en passant à travers la cérébration. Ce n'est pas de méditation mentale, ni supramentale. C'est un recul vers le non-être, si on peut employer le terme. Avant qu'on soit véritablement individualisé, on est à partie de l'âme collective, l'âme de la race. Alors, pour pouvoir se reporter à cette période-là, où l'homme faisait partie d'un grand tout, alors qu'il avait accès à toute la connaissance naturelle, alors là, il pourra, en se prévalant ces exercices-là, ces exercices psychiques ou spirituels, se souvenir de ses vies antécédentes. Je répète, pas dans tous ces détails, mais dans la totalité de son cheminement. Et par le biais de l'hypnose. Oui, par le biais de l'hypnose, depuis quelque temps, il y a 20 ans qui sont penchés sur ça. Je regardais tout à l'heure ce livre-là, c'est de Mme Fioré, Dr Fioré, une psychanalyste. Et puis, comme tout, nous avons tous déjà vécu, c'est précis. À suite, une dizaine d'exemples de quoi, ces hypnoses, comme ça, que ces gens-là ont été bénéficiés considérablement, physiquement aussi bien que moralement et socialement. Qu'est-ce qu'on peut justement retirer d'une connaissance de nos vies antérieures? Une libération de toutes ces blessures que l'on aurait subies. Toutes ces blessures. Par exemple, une personne souffre de migraines, périodiques ou chroniques. Alors, il y a eu certainement une période de sa vie où il y avait un traumatisme quelconque qui aurait causé ça. Si vous mettez le doigt sur cette période-là, par le souvenance, alors vous vous débarrassez des migraines complètement, et bien d'autres choses aussi. Alors vous voulez dire que certains symptômes ou certaines maladies psychosomatiques, exactement, c'est attribuable à des vies antérieures? Ah oui, il n'y a pas d'erreur, c'est à faire. Une maladie qui défie toute thérapeutique, toute diagnostic aussi. Alors, à faveur de l'hypnose comme ça, On m'a le droit sur le bonbon que j'ai composé, puis on retourne ce petit coiffé. Et le temps disparaît. Et ces psychanalystes et ces psychothérapeutes qui, ont, depuis une vingtaine d'années, ont commencé ce genre de traitement psychosomatique, ont fait des choses merveilleuses, merveilleuses. Moi, il y a quelques années, ben, j'étais toujours adverse aux outils anti-hypnose. Mais à quelques reprises, j'ai mis mes trophées de côté, puis j'ai essayé ça. Et des résultats surprenants, c'est rien d'autre chose qu'on pourrait guérir. Rien d'autre chose. Que vous avez appliqué à vous-même? Oui, oui. Mais dans le temps, moi, je croyais que c'était à cause d'une évolution sur autrui. J'avais des scrupules, mais aujourd'hui, on n'en a plus. Est-ce que ça risque pas de produire un choc à une personne qui serait pas très bien préparée à ça? Parce qu'on s'imagine tous avoir été à Nefertiti ou à Kenaton. Ah, bah oui, bien sûr, directement. On doit se réveiller là, dans la chose, si on fait en sorte qu'on a pu être dans des choses intérieures. Ça peut être un choc pour avoir des structures psychologiques pour absorber ça aussi. On peut être bien jugé dans ce domaine-là. Il y a trop d'art. Ça fait deux ans, partir sur une tangente dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme qui empêcherait une personne de connaître ses vies antérieures si elle n'est pas capable d'intégrer cette connaissance-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une censure qui serait jouée par le cerveau ou autre chose? Je crois que oui. C'est un moyen de nous faire poursuivre notre cheminement sans entrave. Au bout de cette période d'amnésie de 9 mois que l'on subit dans sa maternelle, c'est pour nous faire oublier le tard de nos vies passées, n'est-ce pas? Hein? Alors, cette période d'amnésie-là est importante. Et tout au cours de la vie, il y en a des amnésies comme ça. Mais si on se débarrasse de tout ce part-là, de tout ce tâche, c'est tout noir, si on peut dire, dans notre cerveau, alors on voit notre vie dans toute sa totalité. À partir de son début, on sait que les deux bouts se rencontreront à la fin. Il y a des occultistes qui prétendent, les spécialistes de la sortie en astral, projection astrale, etc., qui prétendent que lorsque l'âme arrive sur son plan, appelons le plan animique ou le plan astral, comme on voudra, prétendent que l'âme n'est parfois pas au courant elle-même qu'elle est décédée, qu'elle est morte, qu'elle n'appartient plus au plan terrestre. C'est un fond, ça peut dire plus. Il y aurait donc des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ah oui, justement, rien quand au moment où ils rencontrent des personnes qui savent qu'ils sont décédés, qui trouvent ça étrange, ils auraient dit, c'est bon, tu ne savais même pas. On est bien vivant et on le sait pas non plus. Prenez des conversations en rêve, par exemple. Vous êtes conscient, mais pas conscient que c'est un rêve, n'est-ce pas? C'est quoi le mécanisme du rêve pour vous? C'est quoi? Vous parlez en rêve, on exprime dans le rêve symbolisé. Qui est on? C'est nous, en général. L'individu, l'ego. Nous exprimons, disons. Alors, vive le général. Alors, nous exprimons en rêve toutes les répressions, toutes les tendances naturelles que l'on aura réprimées à l'état de veille pour un état, pour une condition quelconque, pour une raison quelconque. Par exemple, la société m'empêche de me comporter de telle façon que tout mon être désire, alors j'ai un tabou, alors je réprime ce désir-là. Alors en rêve, pour maintenir l'harmonie, dans mon psyché, je l'exprimerai d'une manière symbolisée. Alors, c'est comme une soupape ou le couvercle de la cocotte minute là, qui se trouve en nous un peu la nuit, ça sort. Oui. Alors, en rêve, nous exprimons un langage symbolisé par vous, par parabole. Est-ce que ce n'est pas l'âme un peu qui vit, elle, quelque chose sur son plan, elle? Justement, pour établir l'harmonie dans sa propre psyché, établir l'ordre, cataloguer les événements, les pratiquer, et finalement les pacifier. Mais est-ce qu'elle n'irait pas peut-être par hasard aussi dans cette aventure-là, la nuit où elle vit, en quelque sorte, est-ce qu'elle n'irait pas chercher une programmation dans la journée qu'elle imposerait à l'ego? Parce qu'on c'est possible. C'est possible aussi. On peut prendre des résolutions en rêve. Il y a des rêves qui sont de ce type, qui nous enseignent les choses, n'est-ce pas? Le rêve prémonitoire, justement. Le rêve prémonitoire. Alors, prémonitoire est précieux aussi. Est-ce que c'est pas une façon à l'âme de programmer l'ego qui va vivre obligatoirement un événement qui est déjà inscrit? Oui. Parce que l'hyperconscient est plus intelligent que le conscient. Le conscient est limité à cette expérience, Alors que l'hyperconscient ou l'ego véritable, a toute expérience valable à sa disposition. Alors, peut nous avertir, de comportement qui serait de la faute autrement. Alors, on appelle ça un rêve docétique, un rêve qui nous enseigne un comportement futur. Les restes de mon étoile aussi seraient dans la même catégorie. Mais la règle 2, c'est ce qui nous enseigne à nous conduire correctement dans différentes circonstances. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de cette croyance tenace là, orientale qui veut que le plan physique serait en quelque sorte le plan du sommeil et que le plan de la réalité serait celui de l'âme ou celui dans le sommeil? Bien des gens qui en mourant pourraient dire « enfin, je m'éveille, hein, je m'éveille enfin ». C'est ça, donc ils disent donc que la vie sur la Terre est un rêve, c'est un rêve dont la contrepartie réelle se passe sur le plan de ce qu'on appelle le rêve. Oui. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, justement, oui. Alors, à la mort, une décorporation soudaine, j'avais l'impression de dire « Ah, enfin, je m'éveille ». Ils ont eu cette impression-là. Ah oui, je m'éveille enfin. Ce qui a été relaté dans les livres des études cliniques, là, de Raymond Moody et compagnie. Oui, tout ça aussi. Et cette bonne femme-là qui a fait des expériences elle-même, cite cette impression-là à plusieurs endroits. Qu'au moment de la mort des individus, c'est-à-dire, enfin, je me suis éveillé. Je regarde dans mon corps, là, puis avec Il cite généralement un tunnel qui est traversé ou une vallée. Oui, un tunnel avec une lumière. C'est simplement, c'est vrai que le cerveau est physique, l'esprit n'est pas physique, mais le cerveau, là. Le cerveau, c'est dendrites, puis c'est, ramifications. C'est des spirales qui vont dans toutes les directions. Alors, ces spirales-là, c'est l'ADN RNA qui en a dans le cerveau qui vient. Alors, les dendrites ont une forme de spirale. Et le cheminement, le long de ce tunnel-là, se fait en tournoyant. Quand vous pouvez produire ce cheminement-là, en amplitude, ça. Les derviches font ça. N'est-ce pas? Oui, il brasse en quelque sorte de liquide céphalo-rachidien. Exactement, oui. Si tu veux sortir en astral rapidement pour avoir un renseignement soudain, vous allez faire. Vous avez vu les gens, hein? Oui. Ils sont étourdis, puis ils se passent de déconfortablement, puis ça passe aux autres voies. Ils reviennent. C'est ça. C'est le liquide à l'intérieur de l'oreille, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est lui qui me donne le sens d'équilibre. C'est pas d'équilibre, vous sortez de votre. Voilà. On a quelque chose. La mort, c'est quand même peut-être un des secrets intouchables d'humanité, une partie vraiment voilée, cachée de notre existence, oui. En quelque sorte, puisque d'après vous, il n'y a pas de mort. Mais le vol, c'est la fin qu'on pense. On croit que c'est un mur opaque, mais ce n'est pas ça. Ça dépend de notre point de vision. Oui. Parce qu'on peut voir à travers ça. Est-ce que vous voyez la naissance, la mort, la renaissance, la mort, comme une continuité? Comme autant de jours, oui, justement. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une perception, nous, qui est tronquée, qui n'est pas celle de la réalité, qui est une perception réduite à notre existence, et après ça, c'est le trou noir? Oui, pourquoi? Le trou noir, mais il y a ceci. D'abord, nous portons très peu attention à ce phénomène-là. Et après, mettons, toujours là-haut, hein. C'est inévitable. Dépasser ce mur d'opacité que, on dirait, je peux pas aller plus loin. Mais en réalité, si on dirait, je veux pas pénétrer plus loin, on verra un grand faisceau lumière passer à travers ce tunnel véritable. Parce qu'au moment de la séparation du corps, l'ego avec le corps, c'est un jeu de lumière qui s'empare de plus. C'est votre propre vie. En beaucoup de fois, votre propre aura qui vous enveloppe. Et au bout de ce tunnel-là, là, c'est de la lumière. Et l'âme est un être de lumière. Je le dis à outrance, l'âme est un étincelle du bras du solaire. Mais quand ses sens supérieurs, si bien sont éveillés, là, il se voit comme un œil de lumière, comme un faisceau de lumière. Et ça part de pinéal, il sent lumineux ici, et ça sent par la montagne et tout. Et c'est un tunnel, véritablement un tunnel. C'est la sortie par la fontanelle. Par la fontanelle, oui. Ah, oui. Qui donne cette impression de. Exactement, oui. Il y a des gens qui n'ont jamais fermé cette fontanellerie. Habituellement, ça fait au bout d'une vingtaine de jours, on parle de naissance. Parce que quand on est ouvert, ça veut bien naissance. J'ai dit à un homme, lors de 21 ans, j'avais encore cette fontanelle ouverte, très ouverte. Pour qu'il y ait naissance sur le plan physique, il faut qu'il y ait rupture du cordon ombilical. Oui, comment? Est-ce que le phénomène existe aussi inversé sur le plan physique? Le cheval, le pseudo-corde, le fil d'argent, n'est-ce pas? On peut considérer la mort comme une naissance sur un autre plan. Oui, je ne vois pas ça absolument, mais le même phénomène. le même phénomène. Et le cordon d'argent, le fil d'argent, comme on l'appelle en ésotérisme, c'est la même chose que l'ombilique dans le transhumanisme. Et le processus est le même. Exactement le même. Est-ce qu'il y a une descente en spirale, une ascension en spirale. Est-ce qu'il y a des accoucheurs sur l'autre plan? Définitivement, oui, oui. Ah oui, définitivement, oui. Ah, il vous attend. On vient au monde et sur ce plan-là, il y a quelqu'un c'est qui... C'est une deuxième naissance, j'ai vraiment une deuxième naissance. Puis, ben on vous accueille en souriant, hein. Ah oui. Bon, alors je pense que déjà terminé pour cette première partie, il va y avoir une deuxième avec une période de questions. Donc, oui, de toute façon, je vous invite à poser la question. Pourquoi doit-on revenir maintenant trois sur le plan physique pour notre mouvement dans le monde de temps en temps? Oui, on pourrait parler aussi des manifestations spirites d'Alain Kardec. Exactement, Alain Kardec, oui, à faire des esprits, c'est tout ça, oui, c'est tout, qu'on a commencé au début du siècle, dans ce domaine-là. Oui. C'est un méfondement, par exemple. Bon, on va parler de tout ça après. On va faire une petite pause de 20 minutes. Alors, je vous invite à produire bien des questions. Alors, merci beaucoup, Alexandre Lachance. Merci.